Chapitre 80e, Petit Trianon. Quand Louis XIV eut bâti Versailles, est-il reconnu les inconvénients de la grandeur ? Lorsqu'il vit ses immenses salons pleins de gardes, ses antichambres pleines de courtisans, ses corridors et ses entresols pleins de laquais, de pages et de commensaux, il se dit que Versailles était bien ce que Louis XIV avait voulu en faire, ce que Mansart, Lebrun et le nôtre en avaient fait, le séjour d'un dieu, mais non pas l'habitation d'un homme. Alors le grand roi, qui était un homme à ses moments perdus, se fit bâtir Trianon pour respirer et cacher un peu sa vie. Mais l'épée d'Achille, qui avait fatigué Achille, devait être d'un poids insupportable pour un successeur myrmidon. Trianon, ce rapetissement de Versailles, parut encore trop pompeux à Louis XV, qui se fit bâtir par l'architecte Gabriel le petit Trianon, pavillon de 60 pieds carrés. À gauche de ce bâtiment, on construisit un carré long sans caractère et sans ornement. Ce fut la demeure des gens de service et des commensaux. On comptait là environ 10 logements de maîtres et la place de 50 serviteurs. On peut encore voir ce bâtiment dans son intégrité. Il se compose d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles. Ce rez-de-chaussée garanti par un fossé pavé qui le sépare des massifs. Toutes les fenêtres en sont grillées comme celles du premier étage. Vu du côté de Trianon, ces fenêtres éclairent un long corridor pareil à celui d'un couvent. 8 à 9 portes, percées dans le corridor, conduisent au logement, tous composés d'une antichambre avec 2 cabinets, l'un à droite, l'autre à gauche, et d'une basse chambre, voire même de 2, éclairée sur la cour intérieure de ce bâtiment. Au-dessous de cet étage, les cuisines. Dans les combles, des chambres de domestiques. Voilà le petit Trianon. Ajoutez-y une chapelle à 20 toises du château, dont nous ne ferons pas la description parce que nous n'en avons aucun besoin, et que ce château ne peut loger qu'un ménage ainsi qu'on le dirait aujourd'hui. La topographie est donc celle-ci. Un château voyant avec ses larges yeux sur le parquet sur les bois, voyant à gauche sur les communs, qui ne lui oppose que des fenêtres grillées, fenêtres de corridor ou de cuisine masquées par un épais treillis. Du Grand Trianon, demeure solennelle de Louis XV, on se rendait au petit par un jardin potager qui joignait les deux résidences, moyennant l'interjection d'un pont de bois. Ce fut par ce jardin potager et fruitier qu'avait dessiné et planté la Quintigny que Louis XV mena M. de Choiseul au petit Trianon, après la laborieuse séance que nous venons de raconter. Il voulait lui faire voir les améliorations introduites par lui dans le nouveau séjour du dauphin et de la dauphine. M. de Choiseul admirait tout, commentait tout, avec la sagacité d'un courtisan. Il laissait le roi lui dire que le petit Trianon devenait de jour en jour plus beau et plus charmant à habiter. Et le ministre ajoutait que c'était pour Sa Majesté la maison de famille. « La dauphine, dit le roi, est encore un peu sauvage, comme toutes les Allemandes jeunes. Elle parle bien le français, mais elle a peur d'un léger accent qui la trahit autrichienne, à des oreilles françaises. À Trianon, elle n'entendra que des amis. » Et ne parlera que lorsqu'elle voudra. Il en résulte qu'elle parlera bien. J'ai déjà remarqué, dit M. de Choiseul, que son Altesse royale est accomplie et n'a rien à faire pour se perfectionner. Chemin faisant, les deux voyageurs trouvèrent M. le Dauphin arrêté sur une pelouse et qui prenait la hauteur du soleil. M. de Choiseul s'inclina fort bas, et comme le Dauphin ne lui parla pas, il ne parla pas non plus. Le roi dit assez haut pour être entendu de son petit-fils. Louis est un savant, et il a bien tort de se casser la tête à des sciences. Sa femme en souffrira. « Non pas, » répliqua une douce voix de femme sortie d'un buisson. Et le roi vit accourir à lui la dauphine, qui causait avec un homme farci de papier, de compas et de crayons. « Sire, » dit la princesse, « Monsieur Mick, mon architecte. »« Ah, » fit le roi, « vous avez aussi cette maladie, madame. »« Sire, c'est une maladie de famille. Vous allez faire bâtir. »« Je veux faire meubler ce grand parc. » dans lequel tout le monde s'ennuie. Oh, ma fille, vous dites cela bien haut. Le dauphin pourrait vous entendre. C'est chose convenue entre nous, mon père, répliqua la princesse. De vous ennuyer? Non, mais de chercher à nous divertir. Et votre Altesse royale veut faire bâtir, dit Monsieur de Choiseul. De ce parc, Monsieur le Duc, je veux faire un jardin. Ah, ce pauvre le nôtre, dit le roi. Le nôtre était un grand homme, sire. Pour ce qu'on aimait alors, mais pour ce que j'aime... Qu'aimez-vous, madame? La nature. Ah, comme les philosophes. Ou comme les Anglais. Bon, Dites cela devant Choiseul, vous allez avoir une déclaration de guerre. Il va vous lâcher les 64 vaisseaux et les 40 frégates de monsieur de Pralin, son cousin. Sire, dit la dauphine, je ferai dessiner un jardin naturel par monsieur Robert, le plus habile homme du monde pour ces sortes de plans. Qu'appelez-vous jardin naturel? Dit le roi. Je croyais que les arbres et les fleurs, voire même des fruits, comme ceux que j'ai cueillis en passant, étaient des choses naturelles. Sire, vous vous promeneriez 100 ans chez vous, que vous verriez toujours des allées droites, ou des massifs taillis à angle de 45 degrés, comme dit monsieur le dauphin, ou des pièces d'eau mariées à des gazons, lesquelles sont mariées à des perspectives, ou à des quinconces, ou à des terrasses. Eh bien, c'est donc laid cela, ce n'est pas naturel. Que voilà une petite fille qui aime la nature, dit le roi avec un air plus jovial que joyeux. Voyons ce que vous ferez de mon Trianon. Des rivières, des cascades, des ponts, des grottes, des rochers, des bois, des ravins, des maisons, des montagnes, des prairies. Pour des poupées, dit le roi. Hélas, sire, pour des rois tels que nous serons, répliqua la princesse, sans remarquer la rougeur qui couvrit les joues de son aïeul, et sans remarquer qu'elle se présageait à elle-même une lugubre en vérité. Alors vous bouleverserez, mais qu'édifierez-vous? Je conserve. Ah, c'est encore heureux que dans ces bois et dans ces rivières vous ne fassiez pas loger vos gens comme des Hurons, des Esquimaux ou des Groenlandais. Ils auraient là une vie naturelle, et M. Rousseau les appellerait les enfants de la nature. Faites cela, ma fille, et vous serez adorés, des encyclopédistes. Sire, mes serviteurs auraient trop froid dans ces habitations-là. Où les logez-vous donc, si vous détruisez tout? Ce ne sera pas dans le palais, à peine y a-t-il place pour vous deux. Sire, je garde les communs tels qu'ils sont. Et la dauphine indiqua les fenêtres de ce corridor que nous avons décrit. Qui est-ce que j'y vois? Dit le roi en se mettant une main sur les yeux en guise de garde-vue. Une femme, sire, dit monsieur de Choiseul. Une demoiselle que je prends chez moi, répliqua la dauphine. Mademoiselle de Tavernay, fit Choiseul avec sa vue perçante. Ah, dit le roi, tiens, vous avez ici les Tavernay. Mademoiselle de Tavernay seulement, sire. Charmante fille, vous en faites? Ma lectrice. Très bien, dit le roi sans quitter de l'œil la fenêtre grillée par laquelle regardait fort innocemment, et sans se douter qu'on l'observait, mademoiselle de Tavernay, pâle encore de sa maladie. Comme elle est pâle, dit monsieur de Choiseul. Elle a failli être étouffée le 31 mai, monsieur le duc. Vrai, pauvre fille, dit le roi. Ce monsieur Bignon méritait sa disgrâce. Et elle est rétablie, dit monsieur de Choiseul très vite. Dieu merci, monsieur le duc. Ah, fit le roi, elle se sauve. Elle aura reconnu votre majesté, elle est timide. Vous l'avez depuis longtemps? Depuis hier, sire. En m'installant, je l'ai fait venir. Triste habitation pour une jolie fille, dit Louis XV. Ce diable de Gabriel était bien maladroit. Il n'a pas pensé que les arbres, en grandissant, éborgneraient ce bâtiment des communs, et qu'on y verrait plus clair. Mais non, sire, je vous jure que le logement est supportable. Ce n'est pas possible, dit Louis XV. Votre majesté veut-elle s'en assurer? Dit la dauphine, jalouse de faire les honneurs de chez elle. Soit, venez-vous, Choiseul? Sire, il est 2 heures. J'ai un conseil de parlement à 2h30, le temps de retourner à Versailles. Eh bien, allez, duc, allez. Et secouez-moi les robes noires. Dauphine, montre-moi les petits logements, s'il vous plaît. Je raffole des intérieurs. Venez, monsieur Mick, dit la dauphine à son architecte. Vous aurez l'occasion de recevoir quelques avis de sa majesté qui s'entend si bien à tout. Le roi marcha le premier, la dauphine le suivit. Ils montèrent le petit perron qui conduit à la chapelle, laissant de côté le passage des cours. La porte de la chapelle est à gauche, à droite l'escalier, droit et simple, qui mène au corridor des logements. « Qui demeure ici ?» demanda Louis XV. « Mais personne encore, sire. » « Voici une clé sur la porte du premier logement. »« Ah, c'est vrai. Mademoiselle de Tavernay se meuble aujourd'hui et emménage. »« Ici ?» fit le roi en désignant la porte. « Oui, sire. » »« Et elle est chez elle ?»« N'entrons pas alors. » »« Sire, elle vient de descendre. » Je l'ai vue sous l'auvent de la petite cour des cuisines. « Alors montrez-moi ces logements comme échantillons, à votre désir, » répliqua la dauphine. Et elle introduisit le roi dans l'unique chambre, précédée d'une antichambre et de 2 cabinets. Quelques meubles déjà rangés, des livres, un clavecin, attirèrent l'attention du roi, et surtout un énorme bouquet des plus belles fleurs, que mademoiselle de Tavernay avait déjà mis dans une potiche du Japon. « Ah, dit le roi, les belles fleurs. Et vous voulez changer de jardin? Qui diable fournit vos gens de fleurs pareilles? En garde-t-on pour vous? En effet, voilà un beau bouquet. Le jardinier soigne, mademoiselle de Tavernay. Qui est jardinier ici? Je ne sais, sire, monsieur le Jussieu se charge de me les fournir. Le roi donna un coup d'œil curieux à tout le logement, regarda encore à l'extérieur, dans les cours, et se retira. Sa majesté traversa le parc et revint au grand Trianon. Ses équipages l'attendaient pour une chasse en carrosse après le dîner, de 3 à 6 heures du soir. Le dauphin mesurait toujours le soleil.